Bonjour à vous les curieux et les curieuses de Touraine et d'ailleurs. Petit nouveau que je suis, je ne peux commencer à parler sans me présenter. Théo Xérès, Victor de mon second prénom. Fureteur professionnel et créatif dans l'âme et le sang. On va se retrouver ici même pour aborder des sujets méconnus et surprenants pour moi, mais aussi pour vous. Aujourd'hui, et tous les lundis jusqu'à ce que le soleil nous tombe sur la tête, abreuvez-vous de connaissances par les oreilles. Sortez vos bottes, vos loupes et vos boussoles. C'est parti pour l'aventure! Rendons hommage à Mère Nature dans ce premier épisode en se posant une question que vous ne vous êtes jamais posée, sauf si vous êtes fou comme moi. Est-ce que les végétaux ont un cerveau? Partons du principe que vous avez hiberné tout un siècle durant et redéfinissons les fonctions du cerveau. C'est l'organe qui fait office de chef d'orchestre pour tous les membres et organes du corps humain. Il centralise les informations et envoie des messages aux différents membres. Si on part du principe que les végétaux ont bien un cerveau, il leur est utile pour se nourrir, survivre et se reproduire. Comme nous, pauvres sapiens sapiens, des passionnés à lunettes ont factualisé ces comportements dans l'écophysiologie ou comment les végétaux répondent à leur environnement. Parlons tout d'abord de ce qui vous fait vibrer, bande de coquins que vous êtes. Comment se reproduisent les végétaux? On peut commencer par évoquer l'asexualité de certains d'entre eux. La main de l'homme peut faire naître, par le biais du bouturage, de nouveaux individus en prélevant un morceau de la plante mère plantée dans la terre, mais ce ne seront que des clones. Hashtag Terminator. Avec moins de mainmise humaine, la ronce emploie le marquetage pour se disséminer sur de larges surfaces. Il suffit qu'une tige touche le sol pour que les racines s'y forment. Avant de sortir couvert, distinguons deux catégories, les cryptogames et les phanérogames. On parle de cryptogames pour les mousses, hépatiques et fougères. Les organes mâles, nommés entéridies, rejettent l'entérozoïde, le spermatozoïde. Je vous avoue, les noms sont compliqués. Ils les rejettent dans l'eau, et par chance, ils s'accrochent à une oosphère, l'ovule. Après une belle union où les mariés ont échangé les alliances, elles donnent naissance à un sporophyte, semblable à un petit lampadaire, qui laissera échapper des spores microscopiques, charriés par le vent le plus loin possible, et germera alors un nouveau gamétophyte, et rebelote, et rebelote, et rebelote. À la différence des cryptogames qui ont nécessairement besoin de l'eau afin de se reproduire, les phanérogames sont moins pudiques. Ici, le mariage est visible à la vue de tous si on s'y attarde. Les angiospermes, aussi nommés les plantes à fleurs, représentent la majorité des phanérogames. Leur fécondation se fait grâce à la pollinisation par le vent, l'anémophilie, ou par les insectes, l'entomophilie, qui transportent le pollen du mâle à la femelle. La plupart des angiospermes possèdent des fleurs hermaphrodites, regroupant à la fois les organes mâles, l'étamine, et les organes femelles, le pistil. Ce qui est beaucoup plus simple, on va se l'avouer. Le danger principal est que ces plantes doivent faire attention à l'autogamie, l'autofécondation. Mais certains arrivent à s'en protéger, comme le noisetier femelle, n'aimant que le pollen étranger et laissant ses hormones faire le tri. Celle-là, elle vote pas Front National. L'union par le vent, uniquement promue par 20% des végétaux, permet des fécondations longue distance. Les 80% restants, respectant ainsi la loi de Pareto, ce sont les insectes pollinisateurs qui font le travail en transportant le pollen par les pattes, les poils ou les antennes. Pour cela, les plantes doivent subjuguer l'insecte qui joue le rôle de l'entremetteur. Il est alors récompensé en s'abreuvant du bon nectar que lui donne, comme moi chez mon maraîcher. Elles réussissent tout autant que nous à dire quand elles sont disponibles ou non. En effet, les fleurs en attente de pollinisation et gorgées de nectar sont jaunes, une couleur à laquelle les insectes ne peuvent résister. Une fois pollinisées, elles rougissent, et les insectes ne voyant pas le rouge, elles disparaissent à leurs yeux comme la science-fiction aux yeux du cinéma français. Le pollen en route, il lui faudra de la chance pour qu'il soit accepté par la fleur fécondée, car cette dernière peut le rejeter s'il est trop proche génétiquement ou s'il est d'une autre espèce. De cette union naîtra alors une graine. Vous aimez les films d'espionnage avec Tom Cruise ? Je vous présente alors le Tom Cruise des végétaux, en la personne de l'orchidée abeille. Son charme intemporel est dû à sa forte ressemblance avec l'abdomen d'une abeille solitaire femelle. Le mâle se dit alors « Chouette, une femelle de libre !» Et, en s'accouplant, le pollen se transfère sur l'abeille qui part en chasse d'une autre femelle qui ne sera rien d'autre qu'une orchidée abeille. Et, ainsi, la plante se reproduit grâce à l'ignorance des mâles qui ont leur cerveau au niveau du pénis. Second aspect essentiel démontre leur intelligence, bien plus grande que la nôtre, leur survie. Certaines d'entre elles sont réputées increvables par la communauté scientifique et celle des jardiniers. Elles peuvent résister au chaud, comme la locasia, résister au froid, comme le lierre, aux besoins faibles en eau, comme le clivia, pousser à l'ombre, comme le châtaignier de Guyane, ou en plein soleil, comme le jasmin. attribuant alors le grand prix de la plante la plus adaptable au monde, au caoutchouc. Celle avec laquelle on fait les pneus Michelin. Elle résiste à la fois au chaud, au froid, aux besoins faibles en eau, pousse à l'ombre et est dépolluante. La plante parfaite pour celles et ceux qui n'ont pas la main verte, comme moi. En dehors des studios parisiens Feng Shui, les végétaux subissent, s'adaptent et vivent plus longtemps que dans des pots en plastique de chez Truffaut. Les arbres vivant dans des zones où le vent est à la fois fort et fréquent ont des troncs courts et larges, à l'inverse des arbres en route littorale qui sont penchés sur le continent. Les plantes étant très sensibles, elles peuvent être perturbées par un simple contact physique. Certaines deviennent alors mobiles, comme le mimosa pudique. Leur mouvement de rétractation peut être déclenché par un choc, une piqûre, un contact ou un jet d'eau. Les folioles se replient sur elles-mêmes, puis c'est autour des feuilles et de la plante entière. C'est la fuite de l'eau vers les autres parties de la plante qui lui permet de se rétracter. Tout ça se fait grâce à la calmoduline, protéine qui régule le taux de calcium dans la plante, faisant ainsi lien avec la réduction de la taille de la plante au toucher. Avec un peu plus de pratique et de communication, lorsqu'une chenille vient se faire un festin tout à fait délicieux, elle libère des phéromones pour attirer une guêpe parasite afin d'attaquer la chenille. C'est le cas pour le maïs ou le coton, qui ne sont absolument pas des cultures polluantes. Dernier aspect démontrant la forte intelligence des végétaux, l'alimentation. Ce sera autre chose que notre trio magique pain, viande, fromage, mais elle se régale tout autant. L'un des supermarchés de nos amis verdâtres est le sol. Il a tout à disposition. Des matières organiques, de l'humus, des éléments argileux, des éléments siliceux ou calcaires, des composés à base de fer, d'aluminium, de calcium, de l'eau et de l'air pour 50% de son volume. Un peu gluant, mais appétissant. L'azote est l'élément essentiel de leur alimentation, bien présent dans notre air, mais les plantes, à l'exception des légumineuses, les lentilles, ne peuvent l'absorber sous forme gazeuse. Elles doivent alors compter sur le sol et la minéralisation de l'azote organique afin d'être consommables. Certaines plantes à fleurs, principalement les plantes carnivores, vivant sur des sols pauvres, attirent, piègent et digèrent des insectes pour obtenir des nutriments, notamment l'azote, grâce à une bonne croissance. En fin de vie, certains arbres profitent de leurs derniers instants, paix à leurs âmes, pour donner toute l'énergie nécessaire à leurs enfants par le biais des racines. Je ne vais pas me permettre d'oublier la photosynthèse, permettant de biosynthétiser de la matière organique en utilisant l'énergie lumineuse du soleil, l'eau et le dioxyde de carbone, leur apportant ainsi une source importante de glucides. Je sais qu'on aime tous le sucre, bande de coquins. Je sais que ça ne vous suffit pas, et j'ai encore des réserves dans ma besace. Les végétaux ont de la mémoire. Oui, vous avez bien entendu, les signaux électriques peuvent se créer par accumulation de protéines à l'endroit d'une blessure. Par exemple, le brionne se souvient sur 4 générations de la zone héritée et la renforcera, prouvant ainsi une certaine hérédité. De même que l'on peut freiner la croissance d'une plante et de ses futures générations en la flagellant ou à cause de conditions climatiques défavorables. Qui dit mémoire dit sensibilité. Le ressenti de la souffrance et les intentions agressives a été prouvée. Elle distingue une personne aimante et une personne hostile. Clive Baxter, en 1966, a passé les plantes au détecteur de mensonges. Et Marcel Vogel, chimiste des années 70, a démontré, en branchant des plantes à un électroencéphalogramme, que les plantes somnolaient dès que l'homme se reposait. La musique a-t-elle un effet uniquement pour nouer le bœuf de Kobe ? Et si je vous disais que les plantes à fleurs voient leur croissance s'accélérer face à une exposition prolongée à la musique, ou que la récolte soit plus riche si on utilisait un fond musical ? C'est bien le cas. Les ondes de la musique faciliteraient la synthèse des protéines de la plante utile à l'organisme. Ce n'est pas une raison pour mettre à fond les sonos dans nos campagnes. Laissons-les en paix s'il n'y a pas de consentement. Vous vous dites certainement, et à raison au premier abord, que c'est impossible de parler, de communiquer. Que vous êtes naïf une fois de plus. Dès qu'une d'entre elles se voit manger, les plantes aux alentours peuvent riposter par une synthèse accrue de substances non comestibles. Elles communiquent entre elles grâce à l'éthylène, qui est un gaz, hormone sécrétée par la plante. Un petit mot pour deux hommes, Frédéric Leclerc, professeur de botanique à Tours, théorisant l'existence d'un système nerveux chez les plantes, et Goethe, avec La métamorphose des plantes, publié en 1790, qui a été un socle essentiel de l'anthroposophie, lecture symbolique de la nature, en voyant l'équivalent végétal des mouvements de contraction et d'expansion qui rythment les organes de la vie à une cadence ralentie. Au risque de vous décevoir, les végétaux n'ont pas de cerveau, mais ont tout de même une grande forme d'intelligence. Bien plus que certains planctons qui aiment se faire manger. Concluons en beauté ce premier épisode en exclamant haut et fort que ce n'est pas parce qu'un être vivant, qui plus est quasiment immobile, ne vous parle pas, qu'il n'a rien à nous dire, et prenez soin de vos plantes en dehors de vos balcons feng shui. Je vous laisse sur ces paroles à méditer et nous nous retrouverons la prochaine fois pour parler littérature tourangelle. C'était Théo Xerès le Furteur, à la revoyure les amigos.